Laurent de l'Avent sur Radio Notre-Dame. Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous. Bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre, le téléphone 01 56 56 44 00. Plusieurs invités ce soir en studio. Annick Chéreau, présidente de l'association La Passerelle. Bonsoir Annick. Bonsoir Chéreau. Chantal, bonsoir à tous. Et au téléphone, le père Pierre Milsan de l'ordre des Carmes Deschaux. Il doit se trouver là tout de suite. On va lui dire bonsoir. Bonsoir père Pierre Milsan. Bonsoir Chantal, bonsoir Annick, bonsoir tout le monde. Voilà, et puis au téléphone également, un peu plus tard, nous aurons Corinne Priseur depuis Lille, dans le Nord, et Bernard Leroy depuis Hérouville, en Normandie. Tous deux font partie du conseil d'administration de La Passerelle. Alors, je rappelle que l'oraison silencieuse à l'école des maîtres du Carmel, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, c'est ce que vous enseignez depuis plus de 20 ans maintenant, au sein de cette association La Passerelle, justement, que vous avez créée et qui est animée donc par des laïcs et par vous-même, Père Pierre Milsan. Et vous y associez le corps, hein, c'est là l'originalité de cette démarche, pour tendre vers l'unification de toutes les composantes de la personne dans la prière. Et les stages se déroulent au Boulet, près du Mans, dans la Sarthe. Et puis... J'entends mal. Ah, bah écoutez, je présente pour l'instant. Oui, hein. Ça vous présentez, ça, voilà. Oui. Alors, voilà, les stages, je vous disais que les stages se déroulent au Boulet près du Mans, dans la Sarthe, et que se développent aussi à Paris, dans la région parisienne, la région de Caen, des petits centres d'apprentissage de l'oraison silencieuse avec le corps. Oui. Voilà, donc, ce soir, évidemment, nous allons porter notre regard sur Noël, bien sûr. Hein, c'est le moment, c'est le grand moment. Noël, c'est aussi laisser naître Dieu en soi, n'est-ce pas ? Alors, moi, je dirais, je vous interromps déjà. Oui, je allez-y. Je dirais que Noël, c'est d'abord laisser naître Dieu en soi. C'est pas aussi, c'est... C'est d'abord, voilà, d'abord. Parce que nous sommes appelés tous à être transformés en Christ. Alors, il faut ouvrir son cœur pour ça. D'accord. Alors, c'est d'abord. Hein. Vous avez les mots comme ça, les petits... Hein, ont une extrême importance. Ben Noël, oui. C'est d'abord laisser naître Dieu en soi. Mais vous avez raison de le rappeler, parce que généralement, quand on parle, surtout dans notre société, ben, quand on voit Noël, ben, c'est la dernière chose, c'est pas d'abord, c'est on l'ignore. On l'ignore d'ailleurs, on ne sait même pas, si quand même les chrétiens le savent, mais il y a une démarche, hein, oui. C'est pas le tout de le savoir. Annick Chéreau. Oui, la société civile ne montre pas évidemment cet aspect-là de Noël. Et j'ai été très surprise cette année en allant dans une grande surface. Mmh. J'ai constaté que le rayonnage réservé aux crèches, par exemple, était encore plus réduit que l'année précédente. Ah, c'est un signe, oui. Oui. Alors, on doit relever justement le défi davantage. Hein, c'est pour ça que des fois, il y a un combat. Hein, on va vivre dans la profondeur. On va vivre dans la profondeur. Vous avez raison de tenir bon Radio Notre-Dame. Hein. Eh bien oui, mais on est là pour ça, hein, avec le... grâce au Seigneur, parce que c'est lui qui nous tient. Oui, oui. Alors, donc, Noël, c'est d'abord laisser naître Dieu en soi. Alors, comme le disait Annick, il est bon aujourd'hui, surtout dans notre société, on peut dire déchristianisée, hein, qui a perdu ses repères essentiels, de rappeler, peut-être pour certains, d'apprendre ce que c'est que Noël, ce que c'est que fêter Noël. Parce que il s'agit bien d'une fête et même d'une très grande fête. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Puisque peut-être que certains, justement, tellement perdus dans tout ce qu'on peut voir, parce que ça, on déploie, hein, on dilue complètement et on oublie ce que c'est que Noël. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? On efface tout et voilà, on apprend, on veut apprendre ce que c'est. Parce qu'il faut reprendre les choses à la base, hein, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que Noël? Comment vous présenteriez cela? C'est à moi que vous demandez ça. Bah écoutez, à l'un et l'autre, hein, allez-y. Voilà, puis Yannick va aussi prendre le relais. Alors, Noël. Comme je vous ai dit, c'est Dieu qui vient. C'est Jésus qui continue en quelque sorte à s'inoculer dans chaque membre humain, oui. Pourvu qu'il lui ouvre son cœur. Donc Noël, c'est surtout ouvrir son cœur à la venue du Christ en soi. Ouvrir son cœur à la venue du Christ en soi. Oui. Oui. Mais Annick. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la célébration d'un événement historique. Oui. Qui est la naissance de Jésus, oui. Mais c'est en fait une naissance qui se vit au quotidien. Qui s'actualise. Voilà, et on pourrait dire, en fait, c'est tous les jours Noël. Oui, c'est ça, parce que c'est tous les jours que le Christ désire, oui. Lui, naître en nous, oui. S'incarner en fait, en notre chair. Oui. Et ça, les gens ne comprennent pas ça, et ils veulent pas comprendre, surtout bah, combien de fois j'en se rebiffe en disant mais moi je ne veux pas être le Christ, il faut avoir l'humilité, je dirais, de se laisser transformer en Christ. Oui. Alors, on peut peut-être rappeler le pourquoi de l'incarnation de Dieu, hein, parce que il faut tout reprendre à la base. Ouvrir son cœur à l'avenue du Christ en soi, hein, c'est pas seulement quelque chose d'historique, mais c'est vraiment en nous qu'il veut prendre. Alors, on peut quand même rappeler pourquoi est-il venu comme cela? Pourquoi est-ce si important important que Jésus soit né ou... ben, l'incarnation de Dieu, déjà, qui soit né, et puis après, il continue, donc il naisse en nous. Vous savez, ça serait très long, il faudrait prendre tout le mystère de la révélation de Dieu pour pouvoir... y voir vraiment tout à fait clair, c'est dans la mesure où on peut y voir clair. Mais c'est Dieu qui veut, en quelque sorte, qui veut se dire en dehors de lui. Voilà, c'est ce qu'on... Dieu se dit à l'intérieur de lui, Père, Fils, Esprit Saint, et il veut, en dehors de lui, arriver à se dire, en fait, parce que si comment dirais-je, Dieu en lui-même, il n'ira jamais tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut être. Bien sûr. Il faut qu'il sorte de lui-même pour montrer jusqu'où il peut aller dans son abaissement. Oui. Alors, la croix, n'est que, je dirais, d'une certaine manière, ce n'est qu'un début. Et Dieu veut continuer à se dire dans tous les hommes. Alors c'est pour ça qu'il faut ouvrir son cœur pour qu'il vienne. Il ne vient pas dans la gloire, Dieu. ou la gloire, c'est ça, c'est de pouvoir se faire tout petit et prendre nos misères. C'est ça, oui. Alors, Annick ? Oui, en fait, Dieu, pour pouvoir vraiment exprimer l'amour qu'il est, a besoin d'un vis-à-vis. Oui. Et il crée l'homme capable de choisir. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il crée l'homme libre. Il est capable de choisir. Mais en fait, cette liberté, elle est à découvrir pour l'homme. Elle est à conquérir aussi. Parce que dans ses choix, il fait des erreurs. Ça, oui. Et c'est à partir des erreurs qu'il commet que petit à petit, il peut redresser aussi sa façon de faire. Et il faut que l'homme soit libre pour pouvoir choisir Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour infini, il permet que l'homme se fasse des bêtises. Ah oui, il permet pour qu'il choisisse la liberté, pour que consciemment. Si je choisis le Christ, c'est que il faut vraiment que je le veuille. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est par... en faisant des écarts, que l'homme s'aperçoit que ce n'est pas ça. Et donc, il rechoisit le Christ. C'est ça, oui. Et un peu plus profondément. Oui. Annick ? Et en fait, l'homme de lui-même ne peut pas arriver à cette union totale avec Dieu. C'est Dieu qui le conduit vers c'est cette ça. Union. Et en fait, Dieu s'incarne... Il prend cette nature humaine, il est à la fois 100% homme et 100% Dieu en Jésus, de façon à pouvoir montrer à l'homme quel chemin il doit prendre pour retrouver cette union au Père. Et c'est le Fils, c'est Jésus qui nous conduit au Père dans l'Esprit Saint. Et donc, cette naissance de Jésus, elle marque cette formidable nouvelle, c'est que Dieu, au sein même de notre humanité, au plus profond de chacun de nous, est là, présent, pour petit à petit nous guider vers la plénitude que lui connaît, la plénitude entre les trois personnes, à condition que nous sachions dire oui. Eh oui, c'est ça, c'est le oui, hein, qui est important. Alors, rappelons-nous justement les paroles de saint Paul. Le monde ancien s'en est allé, le monde nouveau est arrivé. Et si on prend les textes de la messe de Pâques, je pense, c'est la messe de Pâques, oui, où le prêtre dit ou chante que c'est maintenant que ça commence. Le monde nouveau, il commence par la mort de Jésus sur la croix et par sa résurrection. Donc, c'est en quelque sorte, Adam et Ève, c'est du passé, quoi. C'est un mystère, c'est la transformation qui s'opère, le passage qui s'opère. C'est ça. Là. Donc, faut partir, ça part de Pâques, de la résurrection, en même temps de la mort de Christ. Et tout le monde doit passer par là. Et c'est très lié, parce que là, on parle de Pâques, de voilà, la croix, mais là, c'est Noël, la naissance, mais c'est très lié, la nativité et puis la croix, résurrection. Les deux. Mais du fait qu'on est dans l'histoire, naturellement, ça se déroule. On ne peut pas tout faire, tout faire à la fois. Donc, on célèbre d'abord la... On célèbre la naissance de Christ. Il commence à revenir dans notre monde, oui, bien sûr. Et puis après, on se prépare et puis on fête la résurrection. Petit à petit, l'Église nous incite à considérer tel ou tel aspect de du chemin, de façon à ce que nous revenions régulièrement sur ces différents aspects, mais pour mieux les intégrer, pour les vivre plus en profondeur. Il y a une pédagogie de l'Église, là. On remet chaque année, se déroule à nouveau, pour qu'on puisse vivre plus profondément, plus consciemment, ce mystère en nous. Oui, c'est une évolution en spirale. Oui. Et donc, lorsque l'on célèbre Noël, il est évident qu'on est amené à quitter les idées que l'on avait sur Noël quand on était enfant. Oui, c'est ça. Quitter l'idée du petit Jésus avec un peu de mièvrerie, quelquefois, pour arriver. Mais aujourd'hui, je suis personnellement concernée par cette présence de Dieu au plus profond de moi. Mmh. Et comment est-ce que je peux le laisser être Seigneur en moi? Mais on pense justement à la petite Thérèse, à cette nuit de Noël. Comme une petite fille, puisqu'on parle de l'enfance, elle est restée petite fille très longtemps, puisque c'est en revenant de la messe de minuit que elle a entendu son papa dire « Ah, heureusement que c'est la dernière année !» Et puis elle montait, comme elle était très sensible, elle a entendu cela, ça l'a bouleversée, mais c'est là où a eu lieu le retournement. Quand elle est redescendue de sa chambre, elle était tout à fait différente, parce qu'il s'était passé, il y avait fait un passage rapide, mais une transformation. Et je crois que c'est là où elle dit, à partir de ce moment, commença ma course de géant. Mm-hmm. Je crois que c'est à partir de ce moment-là. Donc il y a eu ce passage où il y a dû y avoir cette transformation de son affectivité, de petite fille, parce que Annick parlait de nos idées d'enfance, même la petite Thérèse, une grande sainte, a eu ses idées, mais c'est justement cette transformation qui lui a permis de devenir la sainte Thérèse de l'enfant Jésus qu'on connaît. C'est important, puisque c'est à ce Noël-là qu'il s'est passé là quelque chose, un retournement. Alors, on pourrait dire que ce transformement, se fait à la manière humaine. Oui. Mais comme l'a rappelé Annick tout à l'heure, l'homme de lui-même ne peut pas atteindre le statut de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui vienne à sa rencontre, en quelque sorte, et qu'il l'entraîne, qu'il fasse entrer dans sa gloire. Oui, bien sûr. Lui-même, on ne peut pas. C'est ça qui est important. Mm. Et souvent, pour expliquer ça, c'est plus ou moins bien pris aussi, mais je dis, il est à 100%. Et nous pouvons faire 80% peut-être avec l'aide de Dieu, mais on ne peut pas aller là. Il faut que ce soit Dieu lui-même tout entier qui vienne nous prendre et qui nous entraîne dans sa gloire. Oui. Alors voilà, on va partir sur quelque chose de très concret, puisqu'après on va entrer dans ces éléments de la crèche. Et on écoute tout de suite, ce sont les petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly qui chantent « Entre le bœuf et l'âne gris ». Radio Notre-Dame. Thank you. Voilà, c'était donc les petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly, entre le bœuf et l'âne gris. Alors, le bœuf et l'âne gris sont dans la crèche, on n'en parle pas directement, mais Saint-François les a placés dans la crèche, et puis ça rappelle aussi l'Ancien Testament. Alors, on peut peut-être, puisque ça fait le lien, parler des éléments de la crèche, si nous les observons et les méditons, doivent nous conduire à découvrir le vrai sens de Noël. Et puisqu'il s'agit de l'incarnation de Dieu, comme voilà, vous l'avez rappelé, il y a sans doute un lien entre ce Dieu qui vient s'incarner en nous pour faire sa demeure parmi les hommes et en chacun d'entre eux, et l'oraison avec le corps tel que vous la pratiquez à la passerelle. Alors, comment on peut voir cela, ce sens de Noël, les éléments de la crèche que nous connaissons bien, hein, c'est vraiment... ça fait partie d'une culture hein, populaire, et c'est à la fois culturelle et culturelle. Et cette pratique de l'oraison avec le corps. Comment on va pratiquer ? On va essayer de reconstituer la crèche dans notre mental, et puis d'observer hein, chaque élément de la crèche, et voir comment... Eh bien, on peut les intégrer dans la pratique de l'oraison avec le corps. Oui. C'est original, hein, je crois que ce n'est pas souvent qu'on peut... Mais c'est l'incarnation, hein, c'est oui. L'incarnation. Donc, alors... Mais on peut commencer peut-être par évoquer la grotte. Ben voilà, c'est le cadre. Ça, hein, oui. Le cadre à l'écart du monde, oui. Puisqu'il n'y avait pas de place ailleurs pour Marie et Joseph. Et ce lieu à l'écart du monde... on peut dire qu'il figure notre intériorité. Oui. C'est-à-dire que pour accueillir Dieu en soi, il faut savoir quitter les activités habituelles. C'est ça, oui. Prendre un temps, se prendre du recul à l'écart. Et cette façon de prier que nous proposons, elle permet... justement, d'aller sur un chemin d'intériorité. Autrement dit, pour aller vers l'intérieur de soi-même, il est bon de commencer par accueillir ce qui nous vient du monde extérieur, les différentes sensations, et puis, petit à petit, arriver à cette conscience du corps, la conscience de la respiration, du tonus musculaire, de la détente musculaire. Et on se rend compte qu'en étant ainsi accueillant à ce que nous vivons dans le corps, nous devenons accueillants d'autant plus à ce que nous vivons intérieurement, au niveau de nos pensées, nos affects. Et tout cela, c'est un chemin pour accueillir Dieu en soi. Alors, oui. Parce que souvent, on se dit, oh là là, comment arriver à ce profond, à cette profondeur. Oui. Et on se rend compte que cette conscience du corps, être totalement présent au moment présent, à partir de la conscience du corps, aide à calmer le mental et à se tourner vers le Seigneur au plus profond de soi. Quand on en fait l'expérience, on le comprend. Hein. Oui. C'est étonnant parce qu'on peut essayer... Et si on reprend les éléments comme vous nous faites travailler, enfin, cette méditation avec le corps, effectivement, on se rend compte qu'il y a une paix qui s'installe, une détente. Le corps, le lien entre la détente du corps et puis la paix intérieure qui s'installe. Alors, il y a une paix psychologique. Oui, mais il y a une autre paix plus profonde. Et il y a aussi une paix plus profonde qui peut exister alors même que, on va dire, à la surface, le mental, lui, continue de vibrer, d'être en action, on peut dire. Oui, je dirais, c'est là le danger. Le danger, c'est quoi alors le danger ? Eh bien, c'est de confondre. De confondre. Et on cherche à rester mu. Par exemple, quand j'écoutais le CD tout à l'heure, là, ben, c'est beau. Et, et ça peut être émouvant. Alors, on pourrait en rester là. On voudrait rester là. Oui, mais il faut continuer, il faut. Il y a autre chose en soi qu'il faut atteindre. Ce sont des couches plus profondes, comme disait Annick. Il faut commencer par l'extérieur. Oui, et après, ça. Petit à petit, donc après le corps, il va y avoir la dimension psychologique qu'on va rencontrer. Mais il ne faut pas s'arrêter là encore, il faut aller plus profond. Plus profond, c'est ça. Je pense que c'est Annick le dit d'ailleurs. On a à faire en sorte que se taise tout ce tumulte intérieur pour laisser faire Dieu en soi. C'est-à-dire que le but n'est pas d'être toujours fixé sur soi-même, mais de savoir se taire pour laisser Dieu nous donner cette profondeur, nous faire entrer dans cette profondeur en lui. C'est ça, oui. Ce n'est pas à la seule force de nos bras que nous allons pouvoir atteindre la profondeur en lui. Ce que nous pouvons faire, c'est accueillir ce que nous sommes pour accueillir Dieu et le laisser faire. Et ça, c'est lui qui est au centre. Bien sûr, c'est ça. Il faut se décentrer, mais pour se décentrer, il faut commencer par s'accueillir dans nos différentes, dans ce qu'on est. Et c'est pas facile, ça. Et c'est pas facile, non. Il n'y a pas que de belles choses en nous. Ben voilà, on rencontre aussi, tout ce qu'on peut rencontrer en soi, qu'on peut découvrir, justement, parce qu'on est plus, on est moins dans l'agitation extérieure, donc on peut découvrir, et c'est pas toujours très agréable. Il suffit qu'on se mette en silence pour qu'aussitôt des tas de pensées nous viennent, ou des émotions. On en fait tous l'expérience. Mais alors là, la conscience du corps peut être un élément très important. En fait, si lorsque mon mental est très agité, je reviens à cette conscience de mon corps, de la respiration, ça me permet de prendre un recul et de me tourner vers Dieu. C'est ça. Le corps est comme le point d'appui. Lorsque le tumulte des pensées, de l'affectivité se met en branle et puis nous perturbe, c'est un point d'appui pour à nouveau accueillir le niveau le plus profond, là où Dieu veut nous... Accueillir Dieu. Accueillir c'est Dieu, l'accueillir oui. lui. C'est-à-dire, ce qu'on cherche, c'est pas tant le niveau profond en nous. Oui. Ce que l'on recherche, c'est... que c'est Dieu, c'est une relation personnelle avec Dieu. Accepter qu'il soit Dieu en nous, c'est-à-dire lui donner les rênes. C'est ça. On peut lui dire déjà de prendre notre vie en main, donc de prendre les rênes de notre vie. De vivre ce que nous vivons. Oui. C'est ce que nous disions tout à l'heure déjà, hein, que bon, il y a 80% avec l'aide de Dieu, et puis il y a les 20% qu'on ne peut rien, c'est Dieu qui prend tout sur lui, quoi, pour nous faire entrer dans sa joie. C'est ça, comme vous disiez, les 80% et les 20%. Alors, je crois que nous allons accueillir aussi au bout du fil, ils doivent être en ligne l'un et l'autre, Corinne Priseur, qui est à Lille. Corinne, bonsoir. Oui, bonsoir Chantal, bonsoir Annick, bonsoir Pierre et Bernard et tous nos auditeurs. Voilà, vous avez écouté par internet le début de l'émission, non ? Oui, j'ai pu écouter le début de l'émission, tout à fait, oui. Bon, voilà. Et puis on va accueillir aussi Bernard Leroy depuis Hérouville en Normandie. Bernard, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, moi aussi, je suis au bout du fil, là, j'écoute et je participe, je vous suis. Voilà, mais écoutez, vous allez intervenir l'un et l'autre, hein, évidemment pas tous ensemble, mais successivement, au fil du déroulement. Alors donc, on évoquait justement accueillir, hein, s'accueillir. Parce que le but, c'est de laisser Dieu être Dieu en nous et prendre les rênes de notre vie. Hein, c'est ça. Oui, oui, de s'incarner, hein, De s'incarner, vivre, de vivre en nous, de façon à ce que nous le laissions, le laissions faire, et pour que son amour puisse à travers nous s'exprimer dans le monde. C'est ça. Non, j'aimerais faire une petite intervention là. Oui. Ça ne veut pas dire que, comme souvent c'est compris, ah bon, c'est Dieu, c'est le Christ qui prend les rênes, quoi. Oui. Et alors, on se frotte les mains, tant mieux, je n'ai plus rien à faire. Ah oui, oui, d'accord, mais précisez alors ça. C'est pas on a notre part aussi. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, alors comment ça se passe? Je dis que peut-être que dans 20 ans, si j'y ai encore, je vous le dirai. Hein. C'est petit à petit, hein. C'est dans la mesure où on reste ouvert, oui. Que peu à peu, Dieu peut se verser, se faire comprendre, s'expliquer avec nous. Voilà, c'est l'expérience, c'est pas une question intellectuelle, voyez-vous. Oui, d'accord. Oui, c'est autre chose. Mm. C'est du domaine de la foi. On accepte que le Christ nous transforme, vive en nous et se dise en nous, que le Père puisse exprimer son amour à travers nous. Mmh. On l'accepte, mmh. On dit oui et on le laisse agir. Et puis en s'efforçant de ne pas mettre d'obstacle à ça. C'est ça. C'est-à-dire que dans notre vie, nous sommes amenés là à faire des choix. Est-ce que dans telle circonstance, c'est vraiment par amour que je le fais? Est-ce que c'est l'amour qui s'exprime à travers moi ou bien ou pas? Mm. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est le... Hein? Qu'est-ce qui peut faire obstacle alors justement? L'orgueil, vous disiez, quoi d'autre? Le besoin de dominer. C'est-à-dire le contraire de l'humilité, de Dieu. Oui. Et je dirais le refus de comprendre. Le refus de comprendre, oui. Ben, oui, parce que, encore une fois, quand j'essaie d'expliquer ça à des groupes, certains disent, mais moi, je n'ai pas envie de devenir le Christ. Je vais être comme je suis. Et on amène l'humilité, même fonctionner. Moi, je suis moi-même et je ne vais pas être quelqu'un d'autre. Oui. Alors qu'en fait, on doit tout doucement, en quelque sorte, fondre pour être dans le Christ. Oui. C'est que le Christ prend conscience de nous, est tellement bien conscience qu'on devient lui. Donc c'est une expérience. Oui. Vous me disiez comment ça s'explique. On ne peut pas vraiment l'expliquer, ça vient petit à petit, ça, selon la grâce du Seigneur. Oui. Alors qu'en pense Corinne et puis Bernard? Alors Corinne peut-être, Corinne Prisère. Oui, effectivement, je pense que bien souvent, plus ou moins consciemment, on fait obstacle sans le vouloir, je pense, ou en le voulant, à ce que Dieu puisse continuer à s'incarner en nous. Ça me fait penser à une oraison que j'ai eue il n'y a pas très longtemps où je me voyais un petit peu comme laissant faire le Christ, un peu comme l'image d'une lumière qui progressivement grandit et qui aussi vient dissiper aussi toutes ces ténèbres, toutes mes pauvretés. Et au plus les pauvretés se dissipent, au plus je me voyais un peu comme un photophore, vous voyez. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée. Qui laisse justement traverser cette lumière pour non seulement pour que le Christ soit à l'intérieur de moi, mais aussi pour qu'il puisse éclairer les autres. Mmh. Et je pense qu'être comme ça un petit lumignon, ça me fait penser aussi au texte de la Bible où il dit que la lumière ne doit pas rester sous le boisseau. Mmh. Mais on a une responsabilité, chacun, justement, de laisser cette lumière briller, quoi. Et pour qu'elle brille, il faut que le Christ devienne nous-mêmes. C'est ça. C'est lui qui peut briller, vraiment. C'est lui la lumière. C'est lui qui brille à travers nous, oui. Mm-hmm. Donc ça, c'est un éclairage que j'avais eu dans l'oraison. Et je pense que c'est cette circonstance, quoi. Quand vous parliez aussi de paix intérieure... effectivement, je pense qu'on peut tout doucement, en allant, comme le disait Annick, à partir du corps, avoir la présence de nos sensations et de la détente qui s'installe peu à peu, donc la détente en Christ, je dirais. Ça permet de retrouver une paix à l'intérieur, mais cette paix, elle ne nous quitte jamais. Oui. Simplement, bon, il y a le tumulte, ça me fait penser souvent à la mer avec les vagues en surface, mais qui est calme à l'intérieur, quoi. Et c'est vrai aussi que, comme me disait Annick aussi tout à l'heure, bah, parfois on n'a pas l'impression qu'on est en paix, mais elle est bien à l'intérieur de nous, quoi. Mmh. Et Bernard, vous, comment vous voyez cela? Je crois que moi je pense un peu cette réalité, ce mystère de Noël, comme on le dit depuis l'émission, où il s'agit de laisser de croire que Dieu a ce projet, de venir en nous, d'habiter en nous et de devenir nous-mêmes, et de ne pas vivre cela comme une contradiction, comme une négation de ce que l'on est. Et effectivement, une première action que l'on peut avoir, elle est bien naturelle, elle est bien humaine, de se dire, ben, effectivement, c'est ce que Pierre évoquait tout à l'heure, il faut que je reste soi, je reste moi-même. Bien entendu qu'il s'agit de rester soi-même, mais ce n'est pas parce que on chemine en fidélité à ce qui nous constitue, les différentes constitutions de notre être, que on est à l'origine de, justement de ce que l'on est, et que l'on n'a pas à petit à petit continuer de recevoir cette vie qui nous a d'ailleurs été donnée pour lui donner la forme qui correspond non pas à notre projet à nous façonné par nous-mêmes, mais à ce projet qui est à découvrir, qu'on ne connaît pas, ce projet de Dieu. Et je trouve que, puisqu'on parle de Noël, moi je suis assez impressionné, admiratif de voir comment ce malheureux Joseph et puis Marie qui vivaient une vie dans leur tranquillité, enfin, etc., sont restés eux-mêmes, et tout d'un coup, en étant attentifs à des choses qu'ils ont peut-être timidement, progressivement, puis par la suite plus fortement perçu, ont accepté de faire confiance à ce qu'ils percevaient être leur voie, leur chemin, et ça les a conduits sur une route qu'ils n'imaginaient pas, qui n'était pas la leur. Mmh. Pour autant, je pense qu'ils sont vraiment restés eux-mêmes, oui. Mais ils sont rentrés dans le projet de quelqu'un d'autre. Mmh. Bon, voilà, peut-être que je il peux nous dire... rejoint, il nous rejoint, on est là où on est. Et on pourrait même dire qu'ils sont devenus eux-mêmes. Ben voilà. Ils sont devenus eux-mêmes en se laissant faire par Dieu. Annick ? Oui, on pourrait prendre un exemple, celui d'une situation dans laquelle on a du mal à pardonner. Et on peut penser qu'au bout d'un certain temps, enfin, on arrive à pardonner. Et pardonnant, c'est-à-dire en laissant l'amour passer à travers nous, en participant à cet amour-là, on se sent comme libéré de l'absence de pardon, et on se sent pleinement vivre. Oui. Et donc, dans ce cas-là, on continue bien d'exister, soi, mais on trouve l'épanouissement de notre personnalité dans cette réalité de l'amour auquel nous participons. Donc cette union de Dieu avec nous, elle n'est pas une négation de notre être, au contraire, elle lui donne toute sa plénitude. Un grand merci. On va se retrouver dans quelques instants. Je vous propose d'écouter, c'est le petit chœur du collège de Montreuil. Et s'il s'agit des bergers, puisqu'on parle de la crèche, hein, là, les bergers de Bethléem sont accourus. Radio Notre-Dame. Voilà, il s'agit des bergers de Bethléem qui sont à courir. Alors on peut justement, puisqu'on parle de la crèche, puisqu'on vient d'écouter les bergers, on peut en parler là tout de suite, Annick. Oui. Alors, les bergers, ils étaient considérés comme des voleurs, hein, à l'époque de Jésus. Pas bonne réputation. Voilà, vraiment non recommandable. C'est ça. Et on peut dire qu'ils figurent peut-être ce qui en nous est défaut, est péché, et tout ce qui en nous fait que nous nous considérons comme des gens non pas peu recommandables, mais pas très bien. Voilà, c'est toute la partie ombre. Éventuellement la honte d'avoir certains défauts. Vous voyez, on pourrait peut-être donner cette image-là. Or, dans la démarche d'oraison, nous avions dit tout à l'heure qu'un certain nombre de pensées nous venaient et nous sommes confrontés à nos limites. Nous sommes confrontés aux images que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres, et qui jaillissent parce que nous faisons silence d'un seul coup. Ça, ouais. Et donc, les bergers, en fait, ce sont les premiers qui ont pu adorer le Seigneur, Dieu incarné. Ouais. Et donc, tout ce qui en nous peut être ténébreux, mal vu par nous-mêmes ou par la société, c'est cela qui est amené à s'agenouiller devant Dieu et à reconnaître qu'en fait, c'est lui qui est important, c'est lui qui est Seigneur, la bonne nouvelle. Donc c'est l'humilité. Hein, oui, une humilité qui permet d'accueillir et d'adorer. Oui, une acceptation de ce que l'on observe en soi, ou des idées que l'on a sur soi-même, sur les autres, mais en même temps de lier toujours cette confiance en Dieu qui est au-delà de ce que nous pouvons nous percevoir ou de ce dont nous avons conscience. Oui, autrement, ce serait déprimant, on déprimerait si on en restait qu'à considérer, si on ne voyait pas lui qui nous relève. Oui, il nous appelle à vivre en union avec lui à un autre niveau d'être. Ouais. Donc on n'est plus dans les apparences, on est dans l'être. Vraiment par lui, avec lui et en lui. C'est ça. Oui, Pierre Milsan, Père Pierre Milsan, qu'est-ce que... Eh bien, moi j'écoute, je réfléchis, mais je mettrai le nouvel être. Le nouvel être, c'est celui aussi là qui se reconnaît vraiment pécheur, en quelque sorte. Ça commence par là. Oui. C'est ce que voulait dire Annick, mais il me semble qu'il aurait fallu insister davantage. Alors allez-y, insistez. C'est un nouvel être, ça ne veut pas dire qu'on est débarrassé du péché, de la laideur du péché. On est comme ça. Et c'est peu à peu, avec la grâce de Dieu, qu'on se libère. Il faut partir de ce point de vue. On n'est pas quelqu'un de bien, quoi. Mais on ne fait pas de complexe, on est comme ça, et il faut accepter d'être comme ça pour se laisser sauver, sortir de notre misère par le Christ. C'est lui qui nous sauve, c'est le sauveur. Hein? C'est le sauveur. Mais il peut nous sauver que si on se reconnaît misérable. C'est ça, oui, bien sûr. Oui. Corinne ? Oui, je rebondis tout à fait sur ce que vient de dire Pierre et puis Annick. Effectivement, on n'a pas à culpabiliser, je dirais, quand on prend conscience justement de nos manquements, de nos limites. Je pense que ça m'émeut aussi, c'est le fait que Dieu nous aime tel que l'on est. Et si on sait se reconnaître pauvre, il est toujours là, présent, pour nous accueillir, un peu comme le père qui accueille le fils prodigue. Et c'est vrai que pour ma part, il fut un temps où je culpabilisais parce que je pensais ne pas être dans l'attitude juste avec le Christ. Et c'est, suite à un échange récent justement avec Pierre-Annick, que j'ai pu comprendre que il faut pas s'enfermer dans la culpabilité, puisque comme disait Pierre, c'est au-delà, quoi. Hein, il faut accepter d'être pécheur, et c'est pas pour autant qu'on est libéré de nos limites, de nos manquements, mais on se sait aimé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi me touche, parce que l'amour du Père, il est infini. Et les bergers qui sont avertis en premier de la naissance du Christ, c'était quand même pas des gens recommandables, et pourtant ce sont eux les premiers. Sont avertis. Oui. C'est que le message de Dieu, il est pour les personnes qui sont pécheurs, justement, et qui semblent aux yeux de la société être les intouchables. Oui. Et justement, c'est eux qui vient toucher. Et ces intouchables, on en est tous, je crois, rendus au point où on est chacun avec nos limites, voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment un beau mystère, et quand on dit une bonne nouvelle, c'en est une, je crois. Et c'est libérateur, du fait de se dire, ben oui, finalement, je suis comme ça, mais je m'accepte comme je suis, et finalement, le Dieu m'aime comme ça. Ça ne veut pas autant dire qu'on va continuer une vie de dépravé, mais au contraire, petit à petit, bah oui, effectivement, on se rend compte de ça, et puis, allez hop, dans un autre événement de la vie, on tombe à nouveau, mais c'est pour mieux se laisser relever à partir du moment où on accueille l'amour de Dieu en soi, quoi. Oui, oui. Annick, Chéreau. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de se rendre compte que la conscience du corps a quelque chose à voir avec tout cela. C'est-à-dire que si nous accueillons notre corps tel qu'il est, avec ses limites, par exemple, avec ses fourmillements, avec ses tensions, eh bien, nous allons pouvoir, peu à peu, mieux accueillir ce qui est d'un autre ordre, ce qui est de l'ordre moral, par exemple, de la morale. Hein? Donc, pour nous, cette conscience du corps dans l'oraison, elle vise à accueillir ce corps avec ses limites pour accepter aussi de voir ce qui en nous n'est pas louable à nos yeux, et encore plus avant de savoir, comme le disait Corinne, combien Dieu nous aime tel que nous sommes. Oui, oui. Bernard Leroy. Eh bien, moi, ce que je retiendrai, c'est que, justement, dans cette incarnation de Noël, on voit bien que Dieu choisit de venir prendre corps, prendre place, justement, dans le détail de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est chacun de nous, de ce que nous sommes, et que, on pourrait dire qu'en quelque sorte, le scénario de l'incarnation, le scénario de Noël, n'a pas d'abord été annoncé aux grands, aux prêtres, ni à Hérode. Il s'est d'abord adressé pour qu'ils viennent voir et faire partie et participer à cet événement, à ces bergers qui sont le symbole de l'humilité, de la pauvreté, des gens qui étaient plutôt reclus, à l'écart. Et je trouve que c'est un grand message d'ouverture, d'espérance pour nous-mêmes qui sommes dans cette attitude, dans cette situation de pauvreté, de pauvreté humaine. Mais dans la mesure où on le reconnaît. Eh ben, oui, bien sûr. Je pense que, je ne sais pas, eux ils ont reconnu, ils ont aussi été surpris, je ne sais pas historiquement comment ça s'est passé pour eux, mais ils ont accepté de venir face à quelque chose qui les surprenait, et effectivement ils ont accepté de faire ce pas vers une nouveauté, vers un inconnu, vers quelque chose un peu incompréhensible pour tout le monde et pour eux, mais voilà, ils ont fait confiance à ce qu'ils percevaient. Oui, c'est ça. Donc, faire confiance et dire oui, c'est dans la démarche d'ouverture. C'est la démarche de foi la démarche de l'oraison. Tout est lié, hein. Oui. L'oraison, c'est la vie. Oui. Et donc on retrouve tous ces éléments à travers lesquels le Seigneur vient à notre rencontre là où on est et dans notre pauvreté. Hein, c'est... Ben, il est né déjà dans cette grotte-là. C'est déjà une figure de pauvreté. Oui. Alors évidemment, ce sont les événements, mais on a l'impression que justement, il serait né ailleurs, ça parlerait moins. Oui. Parce que là, Dieu savait quelque part ce qu'il faisait, même à travers des événements, en passant par des hommes qui n'ont pas forcément accueilli dans d'autres circonstances meilleures, quoi. Oui, c'est le sens même qui nous est révélé, là. Alors, donc, ils arrivent à la grotte, prévenus par les anges. On peut peut-être en parler des anges aussi, hein, puisqu'ils sont liés, et c'est lié aux bergers. Hein, c'est prévenu par les anges. Oui. Alors là... Là, c'est le monde... C'est la relation avec le monde invisible. Oui, oui. Et avec ce qui peut avoir trait aux intuitions qui nous sont données. Oui. Oui. Et là, eux, dans leur pauvreté, savent accueillir ce monde invisible. Oui, et les anges qui louent Dieu. Oui. Donc, ils nous rappellent que nous sommes aussi appelés à louer Dieu. Mmh. Et dans notre façon de faire oraison, la louange a sa place. Mmh. Nous louons Dieu pour sa création, pour cette vie qu'il nous donne. Pour la vie spirituelle, enfin, bon, il y a des tas d'occasions, on peut dire, de louer Dieu. Beaucoup d'occasions de louer Dieu, Père Pierre Milson. Oui, ben ça, vous savez aussi bien que moi, mais vous êtes peut-être comme moi aussi, c'est qu'en y pensant beaucoup, toujours, hein, on est tellement occupé par les choses matérielles, par les contacts avec les gens qu'on ne pense pas à louer Dieu. Et pourtant, c'est l'essentiel. Mais effectivement, je pense que le rappeler à l'occasion du récit de la naissance de Jésus, ça fait du bien à entendre. Mmh. Oui, Corinne. J'étais en train de penser, en vous écoutant aussi, qu'on peut aussi le louer pour des moments difficiles qu'on peut vivre. Oui. Alors, pas forcément... quand on est en plein dans le moment difficile, mais un moment difficile, ça permet aussi, pareil, là, quand on a une attitude d'oraison, et surtout de trouver le sens de ce qui se passe, de comprendre que ce passage difficile peut nous aider à nous ouvrir davantage. Bon, j'ai vécu récemment un passage assez difficile où la seule façon de faire... il y avait des choses qui étaient indépendantes de ma volonté, sur lesquelles je ne pouvais pas agir. Mmh. Donc la volonté propre ne pouvait pas agir. On arrive à se dire, finalement, il n'y a rien à faire que de laisser passer. Laisser le Christ traverser cette situation difficile avec moi et en moi. Et voilà, arrive ce qui arrive. Et après, une fois que l'événement est passé, on se rend compte que finalement, on a traversé le tunnel et qu'on n'en est pas mort. Au contraire, on en devient plus vivant parce que on a eu l'occasion de s'ouvrir davantage au Christ. Alors, quand on dit ça, ça paraît peut-être un peu difficile à comprendre, mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de vécu. Oui, dans la foi. De vécu dans la foi. Donc, c'est vrai que c'est un vécu dans la foi, c'est un abandon au Christ, que ta volonté soit faite. Vraiment, les paroles du Christ en croix résonnent davantage et d'une autre façon quand on arrive à vivre des situations difficiles dans l'ouverture. Et Bernard, Laurent. Je ne sais pas très bien parler des anges, moi, en quelque sorte, mais ce que je peux dire quand même, c'est que dans cette invitation à la louange, je pense que c'est une invitation à ne pas rester rivé sur tout ce qui accroche le regard de désespérant. Ce qui est une tendance assez fréquente chez les hommes, et qu'en fait, il y a à se rééduquer le regard, à voir les nombreuses choses qui aussi sont belles. et de la nature, mais aussi dans les relations humaines, dans le cœur des hommes. Et puis l'autre chose que je dirais, c'est ce regard de foi où Jésus nous dit que il ne donne jamais de preuves qui dépasseront nos forces. Et donc il y a cette attitude de foi, de confiance dans les moments difficiles que chacun peut connaître, à des moments plus ou moins forts, qu'il est présent, qu'il est là. C'est son incarnation. Bien sûr. En tout cas, on va se retrouver dans quelques instants à 23h avec la prière que va diriger Annick, comme chaque fois. Et on se retrouve à 23h. Le temps de l'Avent sur Radio Notre-Dame. Après le succès de Père Elijah, découvrez le nouveau roman de Michael O'Brien, Voyage vers Alpha du Centaure. Que sera notre démocratie dans 100 ans ? Le voyage d'un vaisseau spatial hors du système solaire est l'occasion de découvrir ce que peut devenir notre monde. Embarquez avec le héros, prix Nobel et prix de liberté, et partagez ses aventures pleines de rebondissements. Voyage vers Alpha du Centaure, le nouveau roman de Michael O'Brien, aux éditions Salvator, en vente chez votre libraire. Hey, dis, on va courir, j'ai un super parcours. Ah non, on va marcher. Et moi, j'ai 70 super adresses. Les 19, 20 et 21 décembre, 70 marchés découverts alimentaires parisiens vous invitent à préparer vos repas de fête. Choix, fraîcheur, qualité, tradition et bonne humeur. Il y a de la vie sur vos marchés. Et pendant ces 3 jours, gagnez par tirage au sort des centaines d'entrées au plus grand parc d'attractions francilien, un jour, un parc et des repas chez Lucas Carton, place de la Madeleine. Rien ne sert de courir. Si, on va au marché. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible auprès des commerçants participants. Chaque semaine, le cardinal André 23 analyse les événements qui font l'actualité. L'entretien du cardinal, c'est le samedi à 8h45 et le dimanche à 18h15 sur Radio Notre-Dame. Dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Voilà, bien ce soir, évidemment, c'est la période de Noël. Hein, on est, voilà, c'est le temps. Alors, on est en compagnie, Annick Chéreau est en studio, président de l'association La Passerelle, le père Pierre Milsan de l'Ordre des Carmes des Chaux est au téléphone depuis son couvent. Et puis, depuis Lille, Corinne Priseur. Et depuis Hérouville-Saint-Clair en Normandie, Bernard Leroy. Donc, peut-être avant de partir dans la prière, ce temps de prière, est-ce qu'il y a quelques annonces peut-être? Il y aura... Je dis sans aucun doute, mais là, j'inviterai les auditeurs à aller sur notre site de La Passerelle. La Passerelle, on peut le donner, le titre? Oui, La Passerelle, Le Boulet, en un seul mot, LEBOULAY.fr. Voilà, donc on peut se référer. Et pour La Passerelle, c'est en un seul mot aussi. La Passerelle, hein, oui. En un seul mot, oui. Voilà. Et donc, ce sera précisé, mais le mercredi 7 janvier, premier mercredi du mois, oui. Au Forum 104, 104 rue de Vaugirard à Paris, dans le 6e arrondissement, oui. Métro Rennes ou Saint-Placide, un temps de prière est proposé de 18h15 à 19h15. 18h15, 19h15, oui. Et puis, au même endroit, le samedi 31 janvier, oui. Donc au Forum 104, 104 rue de Vaugirard, un après-midi, ce sera un samedi après-midi, de 14h30 à 17h, un temps de prière et de partage. D'accord. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Donc deux rendez-vous hein, oui. Pour le mois de janvier. En janvier et en février, un week-end dans la Sarthe du vendredi 13 février au dimanche 15 février. Là aussi, vous pouvez ou téléphoner au 06 18 92 32 45 ou bien aller sur le site. La passerelle en un seul mot, leboulet.fr. Oui. De toute façon, les renseignements sont au standard si vous n'avez pas noté. Alors, on va prendre avec vous, Annick Chéreau, un temps de prière justement d'oraison avec le corps pour mieux accueillir justement la grâce, cette grâce de Noël en nous, accueillir le Christ en nous. Demandons à Marie et à Joseph de nous accompagner dans ce temps de prière. Comme Marie et Joseph étaient ouverts au mystère de l'incarnation de Dieu en Jésus, nous nous disposons à nous ouvrir à la présence de Dieu, au plus profond de nous-mêmes. Tous reliés dans la communion des saints. Seigneur, ouvre nos esprits à ton esprit, nos âmes à ta présence, nos corps à ta lumière. Disposons notre corps pour que notre attitude corporelle soit en cohérence avec notre attitude intérieure. Si nous sommes assis sur une chaise, plaçons nos pieds bien à plat sur le sol, suffisamment écartés l'un de l'autre pour nous sentir bien en équilibre. Nous pouvons aussi nous asseoir sur un petit banc de prière et nous laissons notre colonne vertébrale se placer dans sa verticalité. Nous laissons nos épaules se détendre, nos mains sont placées sur les genoux, ouvertes. Paume tournée vers les genoux ou vers le ciel. Si nous sommes allongés, disposons-nous sur le dos, les bras allongés de chaque côté du corps, les mains ouvertes tournées vers le ciel. Nos jambes sont allongées ou repliées. Comme les bergers venus adorer l'enfant Dieu, nous nous présentons au Seigneur tel que nous sommes. Sans nous appesantir sur les images que nous avons de nous-mêmes, des autres, ni sur les images que les autres ont sur nous. Nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur présent en nous, afin de le laisser grandir en nous, devenir réellement Seigneur en nous. nous avons conscience de nos pieds. Nous sommes présents à la plante des pieds, depuis les orteils jusqu'aux talons. Nous sommes présents au-dessus des pieds, à leur volume, présents à nos jambes. Nous pouvons contracter les mollets puis les laisser se détendre. Nous accueillons le devant des jambes depuis les chevilles jusqu'aux genoux. Nous sommes présents au creux des genoux, à la région des rotules, à l'arrière des cuisses, au devant des cuisses, depuis les genoux jusqu'aux articulations des hanches. Comme les mages venus de l'Orient ont pris la route, guidés par l'étoile, nous acceptons de nous engager sur le chemin de la rencontre avec le Seigneur de vie. À travers toutes les rencontres humaines que nous sommes appelés à vivre. Nous pensons à toutes les cellules qui nous composent et qui reçoivent la vie de Dieu. Nous laissons ces cellules s'ouvrir au Créateur. Nous accueillons notre vie biologique, mais aussi la vie spirituelle que Dieu nous propose. Nous nous mettons dans une pure attitude de recevoir l'être de lui, en lui. Nous sentons le contact du corps avec le siège ou avec le lit. Nous accueillons la sensation des muscles fessiers. Qui nous renvoie à toute la matière qui nous compose et dont nous retrouvons les éléments dans toute la création. À partir de la conscience du corps, prenons le temps de louer le Seigneur pour les beautés présentes dans la création. Louons-le pour toutes les personnes que nous allons rencontrer pendant cette période de Noël, qui, comme nous, sont créées à l'image de Dieu. Capable d'être miséricordieux, patient, humble, aimant. Seigneur, transforme nos regards sur toi, sur les autres, sur nous-mêmes. Nous sommes présents à notre cage thoracique. Nous avons conscience du mouvement des côtes qui s'écartent les unes des autres lorsque nous inspirons. Ce mouvement se vit vers l'avant de la cage thoracique, sur les côtés, vers l'arrière. Sur l'expiration, les côtes se rapprochent les unes des autres. Osons écarter plus nos côtes sur l'inspiration et accompagnons cette sensation d'une attitude intérieure d'ouverture plus grande à la présence de Dieu en nous, ici et maintenant. Nous quittons cette sensation corporelle pour demeurer ainsi ouverts au Christ. Nous nous ouvrons à l'Esprit Saint qu'il nous donne et nous recevons de lui une ouverture encore plus grande, même si nous ne sentons rien. Nous avons conscience du creux de l'estomac, de ce lieu où se manifestent bien de nos émotions. Laissons le Seigneur assumer nos affects, nos joies, nos peines, nos blessures. Osons le regarder, lui. Rien de notre vie ne lui est étranger. Dans la grotte sombre de nos blessures, de nos ténèbres, il est, Seigneur, libérateur. Laissons-le nous libérer à sa façon. Nous sommes présents à nos épaules. Nous les laissons s'abaisser sur chaque expiration. Nous acceptons d'abandonner tout ce qui freine notre relation au Seigneur. Nous sommes présents à nos bras, aux plis des coudes, aux coudes, aux avant-bras, aux poignets, aux mains ouvertes. Jésus s'est manifesté d'abord aux bergers, aux pauvres. Demeurons pauvres, accueillant son incarnation aujourd'hui en chacun. Nous sentons notre nuque qui s'étire depuis le sommet du crâne. Se détend tout le cuir chevelu, l'ensemble du visage. Laissons notre visage se dilater comme notre âme, tournée vers le Christ, dans la joie de l'accueillir dans nos vies, dans nos intelligences, nos mémoires, nos imaginations. Nous acceptons que l'Esprit Saint nous inspire. À tous les niveaux de notre être, nous laissons le Seigneur être Seigneur. Nous le laissons nous guider dans le silence de sa présence. Tous reliés en lui, tous membres du corps mystique du Christ qui nous conduit au Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ce temps de prière. Voilà, nous allons nous retrouver dans quelques instants. Le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 18h, le journal de Radio Vatican. La CIA a bien donné de l'argent à des responsables avenants. 19h30, le magazine. Avant de quitter Séoul, le Saint-Père a prié pour la réconciliation. Minuit 30, l'actualité de l'Afrique. Rendez-vous avec l'Afrique. L'actualité de toute l'Église, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois, l'émission qui répond à toutes nos questions sur la foi et l'Église. Devons-nous obéir au pape? L'Église condamne-t-elle l'homosexualité? Devons-nous craindre le jugement de Dieu? Chaque semaine, un invité répond, explique, éclaire. 1000 questions à la fois, c'est une émission qui ouvre toujours des perspectives, en partenariat avec le site croire.com. 1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les jeudis à 14h30 et le dimanche à 10h sur Radio Notre-Dame. Hey, dis, on va courir, j'ai un super parcours. Ah non, on va marcher. Et moi, j'ai 70 super adresses. Les 19, 20 et 21 décembre, 70 marchés découverts alimentaires parisiens vous invitent à préparer vos repas de fête. Choix, fraîcheur, qualité, tradition et bonne humeur. Il y a de la vie sur vos marchés. Et pendant ces 3 jours, gagnez par tirage au sort des centaines d'entrées au plus grand parc d'attractions francilien, un jour, un parc et des repas chez Lucas Carton, place de la Madeleine. Rien ne sert de courir. Si, on va au marché. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible auprès des commerçants participants. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Le radiodon, c'est fini et grâce à vous, le dynamisme pour achever l'année est enclenché. Cette année, justement, vous avez été plus de 2000 à téléphoner et à vous engager à nos côtés. Alors merci pour votre soutien, merci pour votre patience, merci pour votre confiance également. Et vous aussi, rejoignez-nous dans cette aventure en envoyant votre participation au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e et sur notre site internet, bien sûr. Le temps de l'Avent sur Radio Notre-Dame. Voilà, eh bien nous nous retrouvons après ce temps de prière avec Annick Chéreau qui est un... avec Annick Chéreau et puis nous avons toujours donc en ligne Corinne Priseur depuis Lille et puis Bernard Leroy depuis Hérouville en Normandie. Alors, nous allons poursuivre cette méditation, parce que le Père Milsan, voilà, nous a laissée, partie se reposer. Nous poursuivons le sens de Noël à partir des éléments de la crèche et la pratique de l'oraison avec le corps. Hein, c'est le sens, le but. Et donc, nous avons vu la grotte, les bergers, les anges. Et puis, les bergers, lorsqu'ils arrivent, découvrent bien sûr l'enfant. Mais il y a Marie et Joseph qui l'entourent. Alors justement, dans cette pratique de l'oraison avec le corps, nous avons vu comment les bergers, comment se situer, les anges, l'oraison. Mais Marie et Joseph, quelle place aussi en nous dans l'oraison. Bien, Marie et Joseph, ils accueillent Dieu qui s'incarne. Oui, ils sont au courant. Ils sont au courant. Les premiers, oui, ils sont concernés directement. Donc ils acceptent cette idée-là qui est quand même peu courante. Hein. Oui, ça on peut le dire. Ils devaient quand même être vraiment surpris, et d'autant plus que c'était eux à qui Dieu s'adressait. Ben oui. Alors, ça nous rappelle que nous aussi, nous sommes appelés par le Seigneur et nous... Comme Marie et Joseph, avec humilité et avec joie aussi, nous pouvons dire oui à cette place que Dieu nous accorde dans toute l'évolution humaine. Oui. Et lorsque nous faisons oraison en intégrant la conscience du corps à la prière, c'est notre façon à nous de dire oui. Nous acceptons ce corps qui nous est donné et nous acceptons que Dieu soit là, au plus profond de nous-mêmes. Ça, on rejoint l'attitude de Marie et Joseph. Oui, oui. Et puis, dans le temps de prière, là, nous avons dit combien nous étions tous reliés dans le corps mystique du Christ. Et Marie et Joseph, eux, ils s'inscrivaient dans une lignée, la lignée de David. Oui. Par conséquent, nous ne sommes peut-être pas de la lignée de David, pour certains parmi nous, mais nous nous inscrivons dans l'Église et dans le corps mystique du Christ. Donc cette naissance de Dieu en nous, elle se vit non pas individuellement, mais collectivement. C'est ça. Nous sommes vraiment dans une histoire collective, marche. Oui. En marche. Oui, oui. Oui. Ça, c'est important de le dire. Et de la même façon que Jésus, en fait, n'est pas né tout seul, puisque, bon, il y avait bien sûr Marie et Joseph, mais il y avait aussi les bergers, on l'a vu, et puis il y aura les mages. Oui, et, oui. Donc, dès le début de sa vie, il s'est inscrit dans une famille humaine, oui. Vraiment, enfin, au sens large. Oui, oui, oui, tout à fait. Ouais. Et puis il y a aussi ce rôle de Marie et de Joseph. Marie qui est la mère spirituelle aussi. Elle est notre mère spirituelle. Et elle nous enfante aussi, elle. Oui. Justement, elle a un rôle à jouer dans cette... pour nous, enfin pour oui. Jésus évidemment, elle lui a permis de venir s'incarner. Et oui. Hein, physiquement. Oui. Mais pour nous... aussi dans l'oraison. Et nous aussi. C'est là qu'on retrouve aussi le Marie au pied de la croix, où Jésus dit à Saint Jean, voici ta mère, et il lui dit, voici ton fils. Mmh. Pas seulement pour qu'il la prenne dans sa maison à lui, mais c'est aussi à chacun de nous. À chacun de nous, de l'accueillir en nous aussi. Voilà, c'est ça. Pour participer à ce oui qu'elle a su dire. L'histoire continue après, oui. Hein, avec chacun de nous. Oui, oui, oui. Donc là, c'est important de faire appel à Marie dans la prière. Hein, au tout début du temps d'oraison, tout à l'heure, nous avons demandé à Marie et Joseph de nous accompagner. Et c'est très important de lui demander de nous éduquer aussi pour nous conduire à son Fils. Oui. Puisque l'Esprit Saint passe par elle... Bien sûr, elle est comblée de grâce, oui. De l'esprit. Oui. Oui, oui. Et Joseph aussi a ce rôle, un rôle un rôle important, étonnant, Joseph. Oui. Parce que, bon, à la fois, bien sûr, il était le protecteur de sa famille. C'est lui qui va emmené en Égypte. C'est la responsabilité. Il a quand même dû être assez surpris quand, en songe, il lui est dit de ne pas rester dans son pays, mais de partir au loin. Et il y va. Ça paraît, quand on lit l'Évangile, ça paraît aller de soi, cette docilité à l'Esprit Saint. Si on était comme ça, nous. C'est vraiment, on ne peut être qu'admiratif. Il lâche tout, il part, sans savoir pourquoi, parce qu'après, nous, on connaît l'histoire. Oui, mais lui, il ne la connaissait pas. Non. S'il avait dit, oh là là, tout. Ah oui, oui, oui. Mais dans l'oraison, nous sommes aussi appelés à partir vers à l'inconnu. Parce que cette rencontre avec Dieu, cette union à Dieu que nous souhaitons, en fait, nous ne savons pas trop comment elle va se vivre, en quoi elle consiste. On a des idées sûres, mais... Il faut les lâcher, mais en fait, on doit les... Voilà. Donc, on a vraiment à aller vers l'inconnu. Et ça, dans la démarche d'oraison, c'est important d'accepter que ce soit Dieu qui guide et que nous répondions à ce qu'il nous invite à vivre, en fait, avec confiance. Sans faire obstacle. Oui. Oui. Donc là, Joseph est un beau modèle pour nous. Je comprends, Et d'ailleurs, Thérèse d'Avila, dont on va fêter le 500e anniversaire de la naissance. Mois de mars, c'est ça. Oui, elle recommandait de s'en remettre à lui quand on n'a pas d'accompagnateur spirituel. Donc Marie, mère spirituelle, et Joseph, accompagnateur aussi. Et lorsqu'elle a créé son premier couvent, il a été sous la protection de Saint Joseph et de Marie. Mais Saint Joseph avait une place importante. Et alors qu'elle n'avait été élue dans un de ses couvents que de façon un peu juste, sans doute pas une majorité absolue des voix pour devenir supérieure du couvent, eh bien, elle avait placé la statue de Marie et de Joseph sur les sièges de la prieure et de son adjointe, si vous voulez, pour montrer que c'était eux qui étaient les véritables maîtres dans la maison. Oui, et c'est eux qui indiquent, c'est eux qui dirigeaient la maison, vraiment. Oui. Alors peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense, Corinne, peut-être ? Oui. Oui, Corinne, Marie-Joseph, oui. Oui, effectivement, moi, je souscris à tout ce que vient de dire Annick. J'aurais pas beaucoup plus de choses à dire, puisque je pense que c'est effectivement, pour moi, ce sont des parents spirituels. Et c'est vrai que Marie nous enfante, mais aussi Joseph. Je pense qu'il a son rôle de protecteur, mais... on parlait de modèle, effectivement. Ce qui me frappe dans leur attitude à tous les deux, c'est le oui, un oui sans condition. Il y a quelques petites remarques. Marie, comment cela peut se faire puisque je suis vierge, et Joseph n'a même pas eu de remarques. C'est, voilà, l'ange lui parle et il dit oui. Ça semble aussi facile pour eux que pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Et justement, le fait de s'en remettre à Marie et Joseph dans la prière, ça peut n'être qu'une aide pour nous aider à dire ce oui. Oui qui libère, d'ailleurs, parce que le fait de dire oui à l'action de Dieu sur nous, on sent qu'on est dans l'attitude juste. Même si ce qui va arriver ou dans l'oraison ou dans notre vie nous est complètement inconnu, on sait qu'on est dans le bon choix, quoi. C'est ça, le fait de donc se confier à eux pour pouvoir dire notre oui aussi en eux, avec eux. Oui, c'est ça, c'est même eux qui disent oui en nous. En nous, oui. Ouais. Ouais. Et Bernard Leroy. Eh bien, on n'a pas trop d'informations sur comment les choses se sont passées, mais effectivement, pour qu'on réalise bien leur attitude de confiance, de oui, effectivement, à ce projet de Dieu sur eux, je pense que ça a quand même dû être un peu des moments d'hésitation ou difficile, parce que par exemple quand il s'agit de faire comme tout le monde, aller s'inscrire, quitter son pays pour aller s'inscrire et puis pour faire le recensement, et puis finalement le moment de l'accouchement arrivait et on n'était pas encore arrivé, pas de logement, on est refusé, et que dans tout ça finalement dans les textes on a aucun écho de doute, de rébellion, que bien d'autres personnes auraient pu avoir. Et donc ça montre que justement au-delà des difficultés de leur quotidien, dont on pressent qu'elles ont été nombreuses et multiples, parce que ça a continué après, il y avait effectivement ce socle de confiance pour continuer à marcher. Alors même qu'il ne devait pas trop voir quelle était l'issue du chemin sur lequel il percevait dans la confiance. Mmh. Ouais, c'est il sent vraiment une confiance inconditionnelle. Hein. Voilà. Ouais. Et il ne devait pas être très simple à vivre, à conjuguer au quotidien dans les différentes épreuves rencontrées au jour le jour. Oui, ça c'est sûr que... On parle des mystères joyeux, mais pour eux, ça n'était pas très joyeux. Enfin, il y avait cette joie, mais à travers les épreuves et les difficultés, hein, ça n'a pas manqué. Nous, comment on est malgré tout finalement assez inquiet ou voire démonté quand les choses se déroulent de façon non prévue, compliquée, qu'il y a beaucoup d'imprévus, et on pressent souvent que l'impasse. Donc ce n'était pas du tout leur crainte. Oui. En tout cas, vraiment, ce sont des exemples, des modèles. Hein. On peut justement, dans les choses difficiles, les passages difficiles, voir, se fier à eux, voir comment eux ont vécu ça. Annick, oui, leur demander de l'aide aussi. De l'aide, bah oui. Faut pas hésiter, oui. Non. Et alors, cette confiance... dont nous parlons, eh bien, dans la pratique de l'oraison, elle peut prendre appui sur le corps aussi. C'est-à-dire que lorsque nous avons prié tout à l'heure, le fait de parcourir le corps a permis une certaine détente musculaire. Et cette détente musculaire, elle favorise une attitude intérieure de confiance. C'est pourquoi elle est importante dans notre façon de faire oraison. Et lorsque nous parlions de pensées tout à l'heure qui surviennent pendant les temps d'oraison, si nous revenons à cette conscience du corps, et nous observons que certaines parties du corps vont être contractées, et chacun a des parties du corps qui sont plus spécifiques ou qui reviennent plus souvent dans les contractures. Pour les uns, ce seront les épaules, pour d'autres, les doigts de pied. c'est variable. Mais on se rend compte que laisser la détente musculaire s'installer, ou du moins accepter qu'elle s'installe, même si le résultat n'est pas parfait, ça aide à avoir cette attitude intérieure de confiance. Oui. Donc on voit l'importance, ça souligne l'importance du corps dans l'oraison, et puis dans la vie aussi, mais grâce à cette attitude prise dans l'oraison, habiter son corps, ça donne confiance, ça permet d'accueillir Dieu, de laisser Dieu... s'incarner en nous. Oui, et de vivre cette relation à Dieu jusque dans notre corps. C'est lui qui fait l'unité. Parce que des fois, justement, on a tendance à l'oublier, hein, naturellement. On part dans la tête, on part je ne sais où, mais sauf là où on doit être, c'est-à-dire dans son corps. Oui. La relation à Dieu n'est pas... limité au niveau mental. C'est tout l'être qui est concerné, et ce corps il sert de point d'appui pour se tourner encore plus vers la présence de Dieu en soi, et toujours pour aller vers un abandon plus grand, non pas un abandon d'émission, mais un abandon ouverture. Oui, et ça, c'est pas un abandon de d'émission, mais d'ouverture. Donc c'est important de voir la différence, hein, parce que c'est pas laisser aller, voilà. Non, non, c'est le mot ouverture est très important. Oui. Je pense qu'il faut c'est abandon bien de la vers le haut, c'est-à-dire ouverture vers le haut et pas laisser tomber vers le bas quelque oui. part. Oui. Qui serait se refermer finalement, alors que là c'est se dilater, s'ouvrir dans cette confiance. À... Oui, nous sommes appelés à la plénitude, il ne faut pas l'oublier, à la vie. Un grand merci à tous les trois. On va écouter, alors, et puis ça nous permettra de passer à un autre élément de la crèche. Cette fois-ci, donc, nous allons écouter, c'est la marche des rois. Alors, on voit qu'on fait allusion, la marche des rois, et c'est chanté par John Littleton. Radio Notre-Dame. John Littleton, la marche des rois, oui, c'est célèbre, hein, ça c'est vraiment... les rois, les mages, on ne sait pas trop si c'était rois, mages, des mages, enfin, c'est toute une culture différente. Une culture différente, voilà, il faut se replacer dans, dans le contexte culturel de l'époque, hein. En tout cas, des gens qui venaient de loin hein, et qui ont vu cette étoile hein, alors, et qui apportent des présents. On va passer la parole peut-être à Corinne et puis à Bernard pour comment vous voyez alors, ces mages l'un et l'autre. Corinne, Bernard, Corinne. Oui, alors moi je pense justement quand on évoquait les mages... ils font une longue route pour arriver justement jusqu'à la crèche. Ouais. Et je faisais le rapprochement là, par rapport à notre vie d'oraison, notre temps d'oraison, notre cheminement. Bon, si on fait oraison quotidiennement, je crois que ça fait partie de la longue marche pour arriver à la crèche, si je puis dire, donc au Christ. Ouais. Une marche qui se fait quand même dans la nuit aussi, puisque ils étaient guidés que par une petite étoile. Et la confiance qu'ils ont dû avoir, je pense que c'est aussi notre attitude de confiance qu'on doit avoir dans l'oraison. Et justement, dans notre démarche avec le corps, cette attitude de confiance, elle passe aussi par, par la détente du corps, la détente des muscles, pour pouvoir justement s'abandonner et continuer à faire confiance. Après aussi, ils viennent avec des présents, hein, différents cadeaux, et je faisais le rapprochement aussi avec, dans notre raison, ce qu'on peut offrir au Christ, c'est-à-dire tout ce qu'on est, aussi bien sur tous les niveaux de notre être. Donc avec ce qu'on vit au moment où on fait notre temps d'oraison, donc ça peut être comme l'évoquait Annick, une douleur qui se manifeste, ça fait partie aussi des cadeaux qu'on peut lui offrir. Après, si quelque chose nous tourmente d'ordre affectif, d'ordre psychologique, on peut le lui remettre. Une difficulté spirituelle, on a la démarche des mages, je dirais, dans l'oraison. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est offrir tout notre être en sachant en plus que ce que nous offrons, ben ça, en plus, on le restitue, puisque finalement on n'est pas propriétaire de notre corps, et on peut même pas l'offrir puisque ça nous a été donné, cette vie. Mais effectivement, c'est quand même un geste qu'il faut avoir de s'offrir de tout son être, et puis d'accepter d'être comme ça, de s'agenouiller aussi. Je pense qu'il y a aussi le fait de s'agenouiller devant le Christ. Donc c'est laisser tout notre être s'agenouiller devant lui pour lui rendre gloire, et puis pour l'adorer aussi, parce qu'il l'adore aussi. Ouais. Donc le temps de louange, on le retrouve là aussi, on en parlait tout à l'heure. Donc oui, effectivement, c'est une belle image. On parlait en début d'émission qu'il faut quitter les images de l'enfance avec les rois qui arrivent, la galette des rois et tout ça. Il y a toute une tout un folklore, oui, dans la démarche des rois mages, et ils venaient de plusieurs nationalités, donc ça peut aussi symboliser aussi tout ce qu'on peut être, toutes nos facettes, quoi. Ouais, c'est très beau, ces mages, hein, dans l'oraison, là. Merci, Corinne. Et pour vous, Bernard, qu'est-ce que ça évoque ? Il vient dans ces mages qui viennent de loin, ça me fait penser à tous les hommes, toutes les femmes de par la terre entière, de par le monde, de par l'univers, qui sont loin. Qui sont loin de connaître l'enfant de Dieu, qui sont loin de connaître Dieu le Père, mais qui cependant leur fait signe, et que donc ils perçoivent, et donc c'est un peu tous les chercheurs de vérité qui leur recherche, leur marche, c'est un cadeau qui est aussi que Dieu accepte, et donc je pense qu'il accepte leur cadeau, qu'il accepte leur cheminement. On ne sait pas dans les textes ce qu'ils deviennent, ce qu'ils en concluent après. Sauf qu'ils repartent par un autre chemin. Voilà, parce que le monde reste difficile, et puis il y a les menaces et les persécutions. L'autre chemin qu'ils empruntent, est-ce que c'est un chemin qui va leur faire découvrir davantage, on ne sait pas très bien là. Oui, oui. Voilà. Ça reste ouvert, oui. Pour moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour tous les chercheurs de vérité qui, en fait, ne connaissent pas Dieu. Oui, oui. Eh oui. Et que Dieu accepte les cadeaux de leur recherche. Tout à fait, oui. Voilà. Ouais. Merci à tous les deux. Annick, c'est mage qui arrive comme ça. Qui viennent de loin. Oui, alors ces mages, ils apportent de l'or. L'or, c'est ce que l'on offrait au roi. Et nous, bien, nous sommes appelés à faire en sorte que Dieu soit vraiment Seigneur dans nos vies. Et ça, c'est une recherche à laquelle on peut inviter les auditeurs. C'est qu'est-ce que c'est que laisser Dieu être Seigneur dans nos vies ? Là, c'est toute une marche vers Noël aussi, je pense. Ah, oui. Et ils apportent la myrrhe, qui est utilisée pour embaumer les corps. Et là, le Père Milsan l'a évoqué au début de cette émission, c'est que Noël est très lié à la passion du Christ et à sa résurrection. Et chacun de nous est appelé à mourir au quotidien. Donc, dans tout ce qui ne va pas comme on voudrait, et il y a quelque chose à abandonner là pour se remettre d'autant plus au Christ. Et à offrir. Oui. Et puis l'encens qui était utilisé pour exprimer la louange de Dieu en s'élevant vers lui, donc l'adoration, et en faisant oraison, eh bien nous rejoignons Dieu présent en nous, donc nous l'adorons présent en nous et nous le louons non pas par des chants vocalement, mais nous le louons intérieurement dans le silence. Le silence est aussi une forme de louange de Dieu dans la mesure où on reconnaît sa présence au plus profond de nous-mêmes et où on peut rendre grâce. Et donc le cœur qui s'ouvre, toujours plus grand, enfin c'est un cœur de louange. Oui, hein? Oui, oui. Oui. Oui, donc on voit combien ces éléments de la crèche sont pleins de sens et par rapport à notre pratique de l'oraison, avec le corps, on voit combien tout les est éléments, lié. Oui. Ça reste pas extérieur. Bien sûr, c'est toujours très beau, les petits santons, tout cela. Mais on voit que ça, le sens profond, ça nous rejoint dans notre humanité et dans l'oraison avec le corps. C'est chaque élément à sa place. Oui. Donc, c'est ce qui nous permet de laisser Dieu naître en nous tout au long de nos jours. Tout au long de nos jours. Et justement, de laisser Dieu naître en nous et nous rejoindre toujours plus profondément dans tout ce qu'on vit. Oui, d'accepter. Accepter, dire oui. C'est accepter ça. Qu'il nous rejoigne plus profondément. Et recevoir l'ouverture de lui aussi, parce que nous nous ouvrons, mais il nous appelle, nous propose de nous ouvrir encore plus. C'est ça. Alors cette ouverture, oui, peut-être un mot avant de terminer, oui. Oui, cette ouverture, c'est concrètement pour nous aussi participer à la dynamique de vie, à laisser Dieu grandir en nous, comme nous l'avons dit. Bien sûr, Dieu se révèle à nous à partir de la Bible. Très important aussi. Oui, bien sûr, s'appuyer toujours sur sa parole, toujours, la Bible. Oui. Et puis vivre au présent notre incarnation, sachant que en accueillant nos sensations, nos pensées, nos différents niveaux, tous ces niveaux qui nous composent, nous pouvons louer Dieu et accueillir en nous le Christ qui prie le Père. Quand nous prions, pensons que non seulement nous prions, mais qu'en nous, le Christ prie le Père aussi. Et c'est lui aussi qui prie en nous le Père. Voilà, et laissons-le prier l'esprit. Le Père en nous en faisant silence. Ce qui est un chemin pour, dans les situations difficiles, continuer, comme dans l'oraison, de laisser le Christ s'abandonner avec confiance au Père, comme il l'a fait sur la croix. Il continue de le faire en nous et il nous entraîne dans son sillage. Grand merci, Annick. Juste un mot de Corinne et Bernard sur ce terrain-là, justement. Le laisser naître en soi, à travers, on a vu les différents éléments, pas en travers sa présence, enfin, le laisser participer par toute notre vie. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est un travail de chaque jour. Mais il y a plein d'occasions qui nous sont données dans la vie pour le laisser participer aussi. Je pense notamment quand on est dans une situation difficile, là aussi la prière avec le corps peut nous aider. Quand on laisse grandir Dieu en soi, ça peut commencer aussi par la respiration. Si on prend conscience que notre respiration est bloquée, la laisser se faire naturellement, ça peut déjà participer à laisser grandir le Dieu en soi. Bon, après, on n'en reste pas au fait de cette respiration bloquée, mais vraiment de s'ouvrir et de laisser grandir le Christ en soi. C'est ça, oui. Donc ça peut se faire chaque jour pour à tout justement moment. Voilà, arriver à le laisser de plus en plus faire sa place en nous et puis le laisser faire aussi. Et le laisser prier en nous, comme disait Annick, je pense que c'est très beau. Parce que c'est lui qui vit tout ce qu'on vit, y compris la prière et le fait qu'il prie son Père en nous et avec nous. Oui, et c'est ce que nous proposons de vivre dans les week-ends et que nous mettons à la disposition des auditeurs dans la Sarthe. Voilà. On rappelle hein, le téléphone et puis voilà, Bernard, un petit mot, Bernard. Je pensais moi que l'ouverture, c'est le fait de quitter de prendre appui sur ce que l'on est, se poser, s'ancrer, respirer, ouvrir pour justement laisser pénétrer en soi cette présence, cette confiance et ne pas se disperser, ne pas compter sur ses propres forces, mais simplement se laisser imprégner, vivre de l'intérieur par cette présence de cette naissance du Christ en nous. Oui, oui, merci. La bonne nouvelle de Noël, c'est que Noël, c'est tous les jours et en chacun. Voilà, tous les jours et en chacun. Et puis Marie-France, vous voulez nous dire que la naissance de Jésus implique plus de partage, par exemple, et d'amour. Elle voulait rappeler une anecdote un soir de Noël, à nous dire qu'après un SDF chez lui, ils sont devenus amis et le SDF a trouvé du travail. Voilà. Mais c'est justement cette circulation d'amour. Hein, oui, bien sûr. Qui est préparée justement dans ce travail-là. Oui. Pour pouvoir s'ouvrir toujours davantage. Oraison et action intimement liées. Alors on rappelle le téléphone 06 18 92 32 45, hein, c'est le téléphone de la passerelle, et puis le site lapasserelle en un seul mot, petit tiré, leboulet en un seul mot, .fr. Tous les renseignements sont au standard. Eh bien, merci, merci Corinne Priseur, merci Bernard Leroy. Merci Anne. Merci Chantal, et puis joyeux Noël à tous. À vous aussi. Bien, au revoir à vous tous. Merci. Merci Yannick. Merci Chantal, merci Corinne, Pierre et Bernard. Voilà, merci à tous nos auditeurs. Merci également à Dorothée qui est accueillie au standard ce soir. Guillaume était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Mardi à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera Nicolas Celloro, pianiste, compositeur et auteur. Le thème de la soirée, Miracle et Monde à venir. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous, bonne fin de semaine, bon dimanche de l'Avent, le quatrième et dernier. Préparons-nous donc à la fête de Noël, à la naissance du Christ en nous. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.